Le comité préparatoire pour la Journée des Soleils est constitué le 7 avril au Parti communiste sud-africain. Le comité a décidé de fixer l'espace du 8 au 17 avril comme période de célébration et d'organiser des cérémonies variées à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits mortels du président Kim Il-sung, ainsi qu'en faveur de la cause juste de l'armée du peuple coréen qui avance dynamiquement sur la voie du socialisme sous la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un.